Bélier, multipliez vos chances de rencontre en sortant davantage et acceptez toutes les invitations. Taureau, réjouissez-vous, amis célibataires, vous êtes aux premières loges pour faire une rencontre coup de foudre. Gémeaux, si vous êtes préoccupé par votre travail, sachez que vous trouverez bientôt des solutions à vos problèmes. Cancer, vous aurez de quoi pimenter votre existence et corser comme il se doit votre relation amoureuse. Lion, vous buvez avec délice le nectar céleste que l'astre de la tendresse vous a préparé. Vous pouvez enfin étancher votre soif d'amour. Vierge, vous bénéficiez d'un potentiel énergétique en hausse, ce qui vous permet de rattraper le temps perdu à la vitesse grand V. Balance, les célibataires font des rencontres au gré de leur pérégrination ou de leur loisir. Scorpion, même si ce n'est pas le grand amour, une amourette ou un flirt vous met la tête à l'envers. Sagittaire, sortez, faites des mondanités, répondez présent à toutes les invitations de vos complices. Capricorne, nuage sur votre relation de couple, vous n'êtes pas en phase et voilà tout. Verseau, Vénus chemine dans votre signe, vous prodiguant au passage ses influences porteuses de tendresse. Poisson, accordez plus de temps à votre moitié. Vous devez faire des efforts dans ce sens pour que votre relation conjugale s'harmonise.